Les médias de divers pays ont rapporté largement du 1er au 11 janvier le test intégral ou le résumé de l'historique message de Nouvel An du dirigeant suprême Kim Jong-un sous les titres comme « Le dirigeant Kim Jong-un a prononcé le message de Nouvel An 2017 »,« Le dirigeant Kim Jong-un avertit les forces hostiles » et « La Corée accélérera la progression du socialisme ». Ce sont les journaux, agences de presse, radios et revues de Cuba, de Mongolie, du Vietnam, du Népal, de Thaïlande, du Pakistan, du Bangladesh, du Cambodge, de Myanmar, de Tchèque, d'Angola, du Congo démocratique, du Nigeria, du Mozambique, de Zambie, du Zimbabwe, du Brésil, du Pérou et du Mexique, l'homepage d'internet russe irkutskblogspot.ru, l'homepage d'internet du Parti socialiste roumain Tricolore, l'homepage d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections, l'homepage d'internet de l'Association d'amitié Bektusan Tchèque-Corée, du Cercle d'études de Kim Il-sung de Bulgarie, de l'Association d'amitié France-Corée, de l'Association d'amitié Suède-Corée, de l'Association des journalistes népalais d'études des études Jutsé et de la politique de Sungun, de l'Association d'amitié Népal-Corée, de la Bibliothèque Kim Jong-il et du Cercle de la jeunesse Jutsé de l'Équateur, de l'Institut d'amitié culturelle péruvien-coréen et du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée.